Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Chantal Ackerman faisait des films. Elle faisait du cinéma. Elle écrivait. Elle créait des installations. Sans aucun doute, tout cela participait du même geste, de la même nécessité. L'archive que nous allons écouter ici a été diffusée en 2008 sur France Culture par l'atelier de création radiophonique. Elle est extraite de la bande-son d'une vidéo constituant l'un des éléments d'une installation intitulée « Marcher à côté de ses lacets dans un frigidaire vide » présentée par Chantal Ackerman à la galerie Marianne Goodman en 2004. Il y a Chantal Ackerman, il y a sa mère, et il y a un journal intime, un Tagebuch, écrit en polonais au début des années 20 par une toute jeune fille, la grand-mère de Chantal. Je, tu, il, elle, Jeanne Dillman, News from Home, les rendez-vous d'Anna, toute une nuit, la captive, la folie Almayer, No Home Movie. Chantal Ackerman, Bruxelles 1950, Paris 2015. La création. Atelier de création radiophonique, son dessus dessous, 9e volet. Chantal Ackerman ressasse. Elle travaille autour du manque, du rien, comme dirait sa mère. Ici, elle travaille avec ce qu'il leur reste, à elles deux, sa maman et elle. Pas grand-chose, et pourtant, tout un monde. Cela faisait des années que Chantal Ackerman était obsédée par un carnet, un Tagebuch, un journal intime qui commence par « Je suis une femme, donc je ne peux pas ». Un carnet écrit en 1920, en polonais, par une jeune fille de 15 ans dans un milieu juif très orthodoxe. C'est sa grand-mère, la mère de la mère de Chantal Ackerman. Cette bande-son a été présentée en 2004 à la galerie Marianne Goodman, dans le cadre d'une installation de Chantal Ackerman qui s'intitule « Marcher à côté de ses lacets, dans un frigidaire vide ». Maman, tu sais ce que je veux faire dans le film? Quoi? Tu as toujours dit que bon, je ferai quelque chose d'autre encore. Mais je voudrais faire quelque chose avec ça. Qu'en dessous d'un fauteuil, il trouve ça. Une des personnes qui vient visiter l'appartement trouve ça. Et arrive à lire en polonais ça. Est-ce que toi, tu peux le lire? Si je peux lire en polonais? Oui. Juste cette première page ici. Oui. Tu veux voir si je sais voir avec tes lunettes. Sinon, les miennes sont là sur la table. Regarde comme c'est joli, cette tête. Elle est magnifique, hein? Oui. Raconte un peu. D'abord, lis ça. Essaye de lire ça bien, bien clairement. Yesten kobieto. Je suis une femme. Nie wolno mi więc wszystkich. Nie wolno mi więc wszystkich moich pragnień i myśli głośno wypowiadać. Ça veut dire, je peux pas tous mes secrets et tous mes souhaits et tous mes pensées à haute voix. Dire à haute voix. Dire à haute voix. Mie wolno tylko, moi je peux juste souffrir en cachette. Wolno mi tylko cierpieć skrycie, a więc dzienniczku, mon petit journal, mój chciałbym choć część moich tęsknot pragnień cierpieć i radość. Alors, il dit un tiers de ce que je ressens en mes souffrances et mes désirs, mes souffrances et mes joies. Je peux juste te dire sur tes feuilles, et tu seras mon seul confident. Et toi, mon tu vas jamais, me trahir. I będziesz mój jedynym powierniku. Tu sais que je sais plus lire en polonais. Przelać na twe kartki. Écrire sur tes feuilles. Podać pewną. Bon, je serai sûre que personne ne pourra le relire. Et que tu ne vas jamais me trahir. Tu seras mon powiernikiem. Tu seras mon confident. Bah oui. Eh bien, voilà. Ah non, tu seras mon. Si, bah, si. Non, parce qu'elle dit à la fin. Eh bien, parce que je suis une femme. Non, ici, yes, je suis une femme. C'est là-dessus. Alors ça, tu l'as pas dit. Si, jestem kobietą, je suis une femme. Je suis une femme. Alors, et regarde, kobietą. Un point d'exclamation. Oui. Donc ça commence par je suis une femme. Et point d'exclamation écrit en grand. Et après. Après, il dit, tu seras mon seul confident. Oui. Tu vas jamais me trahir et tu seras mon seul confident. Et ça s'est fait en quelle année? Eh bien, il n'y a pas marqué? Si, il y a marqué quelque part ici. Mais après, les dates ne sont pas tout le temps les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Dziennik Sidoni Ehrenberg. Journal, elle s'appelle Sidoni Ehrenberg. Ma maman. Sidoni. Ici. Ah voilà. En 21. En 21. En quelle année elle est née, tu sais? C'est facile, hein, malheureusement, à savoir. Oui. En 42, elle avait 34 ans. Non, 37. 35. En 42, elle avait 35 ans. Oui. En 42, elle avait 35. Je crois qu'elle est née en 5. En 5. Attends, ah non, c'est pas possible. Si en 42, elle avait 35. Elle est née en 7. Elle est née en 7. Donc, elle avait 15 ans. Oui. Elle avait 15 ans quand elle a écrit ça. 15, 16 ans. Oui. Regarde son écriture déjà merveilleuse, hein. Et regarde ici, il y a toutes sortes d'écritures. Tu sais qu'avant, je savais bien le lire encore. Mais ça s'efface. Il faut absolument que je le photocopie parce qu'on n'aura plus de traces. Tout, il faut faire doucement. Regarde cette écriture, tout petit comme ça. Tu as vu? Et ça, tu as vu? Oui. Alors, elle a écrit de 1900... Laisse-moi voir, parce que je vois pas... Ici, au début, il y a marqué 20, janvier 20. Donc là, elle avait 15 ans. Oui. C'est un... Non, 13 ans. C'est elle est née en 7, maman. En 5, je crois qu'elle est née. Mais... Là, c'est 1920. Oui, voilà. Qu'est-ce qui a marqué là? Stetchnia, janvier. C'est mon grand-père qui lui a apporté ça de Vienne, ce journal. Parce que tu vois ici, c'est en allemand, Mein Tagebuch. C'est en allemand. Et puis elle écrit. Je me demande comment que ça, que c'est resté là, qu'on a retrouvé ce journal. Je ne sais pas, aucune idée comment on a retrouvé ce journal. Mais qui te l'a rendu? Mais je ne sais plus du tout. J'ai aucune idée, je ne me rappelle plus du tout comment est-ce qu'on a pu le récupérer. Cette écriture que j'admire, parce que ici, tu sais, comme ça, tu sais, et ici tout petit. Et c'est la seule chose qui te reste. Oui. Donc ça va de 1920 à... 21, je crois que c'est tout. Attends. Là, c'est toujours 21. Oui, ça va pas plus loin. 21. Tu as vu, c'était déjà son écriture de Grant. Tu es sûre que ça va pas plus loin? Non. Ça, c'est le 30 du 10. Alors, c'était en 2 ans, tu vois. En 22. Mais alors, là, il l'écrivait au crayon. Au crayon. 22. Le 13 du 7. Alors c'était de janvier 20 à 22, pendant 2 ans. Ça c'est après, c'est nous déjà. Oui. C'est toi qui l'as signé. Ça c'est ton écriture, maman. Pourquoi j'ai signé? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? L'Echmi, ma... Maman, ça c'est toi qui as écrit. Non. Vogel. Non, ça c'est toujours elle. Là, il écrit psychologia. Psyjechała. Gusta. Psyjechała. Elle est arrivée, Donas, une cousine qui est arrivée chez eux. Sortimi nas. Na sercu, że nie mam nikogo a. Womyślić. Womyślić. Nie mam nikogo, żadnej personne. Serce mi na... Leży mi na sercu. J'ai sur le cœur que j'ai personne à... à qui penser. Ça me dure sur le... Ça me pèse sur le cœur que j'ai... à personne à penser. Rozmyślić. Et quand est-ce que toi tu m'as donné ce journal? C'est incroyable. Comment vous avez trouvé ça? On a trouvé ça une fois dans un tiroir quelque part. Donc j'ai trouvé dans le tiroir. Évidemment, je n'ai rien compris à ce qu'il y avait écrit en polonais. J'ai juste vu ce que toi t'as écrit. Oui. Alors moi j'ai écrit avec la... Je devais avoir certainement 10 ans. Parce que et Sylviane, regarde que d'écriture. Et quelques années après Sylviane, elle devait avoir peut-être 7-8 ans. Oui. Elle a aussi mis quelque chose. Elle a aussi quelque chose. Alors... C'est merveilleux ça, non? Oui. Garde-le précieusement, c'est tout ce qui nous reste. Mais ce qui est merveilleux, c'est cette photo. C'est pas une photo, maman. C'est le petit portrait. Hein? Oui. Tellement joli, ce visage est tellement beau. De grands yeux. Elle était artiste. Oh. chaque chose qu'elle faisait, c'était un chef-d'œuvre, tellement que c'était beau. Tu sais, quand on a un sens artistique, elle avait des mains en or. Moi, je ne sais rien faire avec mes mains. Tu fais tout de travers. C'est, elle ne m'a pas donné ça. Mais elle t'a donné quand même quelque chose, ton sens artistique, Chantal. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est déjà beau. Il n'y a que moi, que tu sais, la génération qui n'a rien fait. Mais moi, j'appelle ça la génération sacrifiée. Tout à fait. Parce qu'on avait tous des projets, maman et moi. Tu sais, quand je serai plus grande, je vais apprendre le stylisme pour travailler avec elle. On avait des plans de faire une fabrique, enfin, grande, haute couture. Et que j'allais faire de modèles et dessiner et tout ça, que j'allais à l'école. Tu savais dessiner aussi? Je savais bien dessiner, mais non, plus du tout. C'est perdu, écoute, ça se perd. Mais on avait des plans de faire des choses, de la couture. Elle était entreprenante, mais tellement moderne, tellement en avance sur son temps. Moi, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que maintenant, comme ça, la vie est passée, est-ce que t'as... Bon, refaire l'histoire, on peut pas refaire l'histoire. Hein? Tout ce qui est arrivé avec les Allemands, on peut pas effacer. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes de ne pas avoir fait quand même? Mais justement, de ne pas avoir fait des études, d'avoir fait quelque chose par moi-même. J'ai travaillé avec ton père, bon, je l'ai aidé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était pas... Ça me passionnait pas. Ça, je peux te dire. Ça me passionnait absolument pas. J'aurais voulu faire quelque chose par moi-même. C'est la seule chose que je regrette. Tu sais, j'ai rien fait. Quand je suis revenue, je voulais encore suivre des cours, j'ai commencé, j'ai pas continué. Ça n'allait plus. J'étais brisée, j'étais cassée. J'ai plus su vraiment. C'est encore bon que j'ai rencontré ton père qui était merveilleux, qui m'a soutenue toute ma vie. Ouais. Il m'a soutenue toute ma vie. Et c'est comme ça que j'ai survécu, je t'assure. Tu crois que c'est parce que pour ça que tu m'as tellement tout laissé faire à moi? Peut-être. Peut-être inconsciemment, je voulais que toi tu fasses quelque chose de ta vie, ce que tu aimes. J'ai lutté hein, contre lui parce qu'il ne voulait pas. Il dit, toute seule, une fille dans ce milieu des requins, comment elle va survivre là-dedans? Il avait peur pour toi carrément, c'est tout. C'est pas qu'il ne voulait pas que tu fasses, mais il avait peur de ce milieu. Alors, je luttais, hein. Pour te permettre de faire, je te jure, c'était pas facile. Parfois, il pleurait dans son lit, hein. il voulait que tu reviennes à la maison. J'ai dit, laisse-la faire, elle est honnête, elle fera rien de mal, ça tu peux être sûr. On lui a rien inculqué de mauvais, du mal elle fera rien, mais elle doit faire ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, heureusement. Et après, qu'est-ce qu'il a pensé, papa? Après, bon, il a bien accepté à la fin, quand il a vu qu'il y a des résultats, que tu es toujours sa petite fille, il a accepté. Tu te rappelles une fois, on était dans la voiture et tu nous as aidés à un salon, que tu es venu travailler avec nos salons qu'on avait présenté de modèles. À Paris? Oui, ou à Bruxelles déjà. Ou à Paris ou à Bruxelles, je ne sais plus. À Bruxelles. Et alors, tiens, on revenait à la maison en voiture et tu disais, tu sais, papa, je viendrai t'aider quand c'est le salon, je viendrai toujours t'aider. Je vais faire un film par an et le reste du temps, je vais t'aider. Tu lui as fait des promesses non tenues. Parce qu'une fois que tu mets le doigt dans cet engrenage, tu n'as pas le temps pour faire autre chose. Non. Non, hein? Non. Mais je me souviens de la première fois où il a vu mon premier film à la télévision, Saute ma ville. Tu te souviens comment il a ri? Et pourtant, c'est un film qui a triste. Quelque chose de tragique. Tout à fait. Mais il t'a vu à toi. Mais il a aussi vu le comique dans le tragique. Oui. Et si tu veux, bon, je n'ai plus jamais réussi, dans aucun des films que j'ai fait, plus jamais, à introduire cette double notion de tragique et de comique. Et c'est moi, ça. C'est nous, en fait. Oui. Hein ? Que toujours, quand il y a quelque chose de tragique, on arrive à le tourner et on arrive à pouvoir en rire par moments. Tu sais que le médecin chez qui j'ai été dernièrement, avec ça et ça, il m'a dit, mais vous allez voir, vous allez vous en sortir, vous avez une force en vous que vous ne rendez même pas compte, vous allez vous en sortir. Il m'a dit ça, docteur Vermeersch. Oui. Il dit, vous allez voir, on va vous soigner, à 90 ans, vous allez voir, ça ira. À 90 ans, ça ira. Non, mais il dit, même, jusque vous vivez 90 ans, 95 ans, vous verrez que ça ira toujours. J'espère. Vous tiendrez le coup parce que vous avez une force en vous. C'est drôle que lui, il a trouvé ça. Maman, et tu crois que tu serais encore là? C'est vrai. Tu serais plus là. Regarde, je suis tombée. Heureusement que c'était sur mon bras, que c'était pas dans le je sais pas quoi. J'aurais pu casser mon dos. C'est pas ça que tu veux dire. Mais si tu avais pas eu cette force en toi... Je serais plus là. Tu ne serais plus là depuis... Oui. Très longtemps. Oui. Déjà, vraiment longtemps. Oui. Et moi, je ne resterai jamais. Non. Oui. Et tu sais, quand parfois, quand j'ai un masseur japonais qui vient, alors il dit, oh, il y a de l'énergie, il y a de l'énergie, il y a de l'énergie, mais tout est dans la tête, il faut que ça circule dans le corps. Oui. Et en effet, si tu veux, je pense que si j'ai de l'énergie, je la tienne quelqu'un. Papa veut aussi beaucoup d'énergie. Ma poupée chérie. Oui. Je suis tellement contente que tu viennes, j'attendais le dimanche. Maman. Oui. Moi, je voudrais que tu parles de Frida. Si tu peux raconter comment vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés à Malines. Oui. Frida. Elle était forte. Tu sais, comme fille, c'était une fille assez forte. Mais belle, le visage tellement beau. Et à Malines, qu'est-ce qu'il y avait à Malines? Eh bien, quand on a été pris, on a été mis à Malines et c'est de là qu'on déportait. C'était le rassemblement. Une ancienne caserne, tu sais, qu'ils ont pris comme camp de rassemblement. Elle était là aussi. Je ne savais pas que tu l'avais rencontrée tout de suite. Oui, tout de suite à Malines. Et alors on est parti et on s'est mis tout de suite ensemble. Parce que j'étais séparée de ma tante, j'étais avec elle. Et elle m'a soutenue moralement. Tu sais, quand je ne pouvais pas manger, elle me vendait mon... Tu sais, on faisait des échanges, elle donnait un morceau de pain. Elle recevait une pomme de terre qu'elle coupait en morceaux, elle faisait cuire avec des petits bouts de papier et mettait dans le poêle là, de ce bloc. Et je mangeais comme ça tout doucement. Tu sais, vraiment, elle était. Et quand quelqu'un me voulait de quelque chose, elle se mettait devant moi comme ça. Qu'est-ce que tu lui veux? Comme ça, elle était. Courageuse, courageuse. Elle nous racontait toujours toutes sortes comme ça pour oublier. Elle était merveilleuse et on était juste séparés à la fin, tu sais, quand on partait d'un camp à l'autre, tu sais, comme ça, on faisait un tour chaque fois plus proche, en Allemagne déjà. Et alors on s'est séparés, à ce moment-là, elle a été ailleurs et moi j'étais avec ma tante, on ne voulait plus se quitter à ce moment-là. Jusqu'à ce qu'on a été sauvés par des soldats français, dans la colonne, la nuit. Ils sont passés parce qu'eux aussi évacuaient d'un camp à l'autre, les prisonniers de guerre français. Et ils nous ont mis dans leur manteau et ils nous ont pris avec eux. Et du coup, on a été quelque part chez un paysan dans une ferme. Et on a pu manger, on a reçu à manger parce qu'ils avaient des papiers, on devait les recevoir partout où ils allaient. Et le lendemain, on est parti pour traverser le pont de Dresde. Le pont sur l'Elbe, tu sais, à Dresde. Et ce pont était détruit. Et de l'autre côté, il y avait déjà les Américains. Et on ne voulait pas être du côté des Russes. On voulait être du côté des Américains. Mais ça s'est arrangé comme ça, c'est pas qu'on l'a fait exprès. Et on devait traverser sur une petite passerelle qu'on a mis, tu sais, en bois, avec une corde. Comment on a fait ça, je ne sais pas. Comment j'ai traversé ça, je ne sais pas. Il y avait un soldat devant moi, un derrière moi, et on marchait. Ne regarde pas par terre, ne regarde devant toi, devant toi. Je marchais, je marchais, je marchais, je marchais. Et les derniers trois pas, je ne pouvais plus faire. Il y avait un qui était déjà, qui a traversé, qui m'a attrapé. Ils étaient tellement gentils, ces Français-là. C'était des pauvres prisonniers de guerre, tu sais. Et quand on est arrivé chez les Américains venaient juste de rentrer dans ce village, tu sais. Et ils nous ont tout de suite emmenés dans un hôpital à Borna. Et là, on nous a soignés. C'était une chance, je te dis, aussi une chance. Parce que des gens ont commencé à manger n'importe quoi. Ou qu'est-ce qu'ils trouvaient, ils sont morts après toutes ces souffrances. Ils sont morts après. À la libération. De trop manger. Ils ne pouvaient pas, on ne pouvait pas avec rien qu'on avait dans le corps. Alors là, on me donna la petite cuillère comme ça, tout doucement, manger, tout doucement. Et les Américains venaient nous voir tous les jours. Le commandant là de cette, je ne sais pas, de cette contrée là où on était, il nous apportait du bon savon, de foulard, de sucreries, de trucs comme ça, tu sais. Mais en attendant, on nous a soigné vraiment à la petite cuillère. On a mangé. Mais tu sais, la première personne à qui j'ai téléphoné quand papa est mort, c'est Frida. Et tu te souviens pas ce qui s'est passé, non, parce que tu étais totalement... Elle est arrivée ici. Ça, je sais qu'elle est arrivée ici avec des casseroles entières, avec toutes sortes de ossobuco et de gâteaux qu'elle avait fait. Et sinon, elle sort plus de la maison. Non. Parce qu'autant elle était forte dans les camps, après dans sa vie... Pas forte du tout. Comme s'il y a des gens qui se révèlent dans certaines situations où... Ah. Oui, se détruisent tout à fait. Parce qu'il y a des beautés qui sont arrivées au camp de filles de l'île de Rhodes. L'île de Rhodes, oui. Des merveilles de filles, de beautés. Eh bien, elles n'ont pas tenu un mois. Elles sont mortes comme de mouches. Mmh. Aucune résistance. Et aussi de quelques filles de hollandaises qui sont arrivées au des filles comme ça, tu sais. N'ont pas tenu. Et moi, j'étais une fluette, une maigrichonne. Je mangeais pas bien. Et là, je ne sais pas comment j'ai tenu le coup. Non, c'est Chantal. C'était marcher à côté de ses lacets dans un frigidaire vide. Une bande-son inédite de Chantal Ackerman tirée de l'installation sonore présentée initialement à la galerie Marianne Goodman en juin 2004. Remerciements à Chantal Ackerman ainsi qu'à la galerie Marianne Goodman. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 9 mars 2008. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.